vieux de 7 ans, on jaunit dans la chambre le papier d'autrefois. Olivier. Les années se ressemblent, laissent de vivre ensemble depuis 10 ans déjà. Olivia. Pour moi, Olivier. Tu es toujours la même, tous les jours que Dieu sait me rapproche de toi, Olivia. Olivier, Olivia. Aujourd'hui, autrefois, sous le même soleil, tout est toujours pareil, on sait. Cette eau de fin d'automne, ce sourire d'amour, Olivier. Je veux y boire encore jusqu'à ce que l'aurore allume le grand jour, Olivier.